إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإخواني وأخواتي من النار. إن شاء الله نستأنف في هذه اللحظات القليلة درس في ناقد من نواقض الإسلام، ألا وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. Donc, le huitième, l'annulatif numéro 8, c'est soutenir les mécréants et les aider contre les musulmans. Donc, les annulatifs que Mohammed ibn al-Wahhab il a cités dans un Nawaqid Islam sont au nombre de 10. Et parmi ces Nawaqid, il n'y a aucune différence. Dans ces Nawaqid, il n'y a aucune différence entre celui qui le fait en plaisantant, ou qu'il le fait en, sérieusement, ou qu'il le fait par peur. Sauf al-mukrah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Comme vous connaissez l'histoire de Ammar ibn Yasir. Donc, al-ma'loum, anna al-muslim yajibu alayhi an ya'rifa nawaqid al-islam kama annahu ya'rifu nawaqid al-wudu'. Donc, l'islam il a des annulatifs, tout comme la prière, tout comme les ablutions ont des annulatifs. Wa al-ma'loum anna al-islam huwa al-istislam lillahi 'azza wa jalla bit-tawhid wa al-inqiyad lahu bit-ta'ah wa al-bara'ah min ash-shirk wa ahlihi. Donc, comme vous le savez, et tarabat al-'ilm le savent, que l'islam c'est quoi? Al-istislam lillahi bit-tawhid et wa al-inqiyad lahu bit-ta'ah. Et le désaveu de quoi? De shirk et ceux qui font le shirk. D'accord? Il ne suffit pas de se désavouer de la mécréance. Non. Il faut se désavouer aussi de ceux qui commettent la mécréance. Il faut se désavouer hein, des mécréants. Ou bien, ibaratin ukhra, yuqal, al-islam huwa al-istislam lillahi. بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وموالاة المسلمين. Et l'alliance aux musulmans ومعاداة المشركين. والله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ils seront jamais satisfaits de toi, ya akhi. Ya Abdallah. Allah Azza wa Jal, il te dit, ils seront jamais satisfaits de toi. C'est-à-dire qui? Al-Yahoud ou al-Nasar, jusqu'à que tu suives leur chemin. حتى تتبع ملتهم, jusqu'à que tu suives leur religion. Donc, en connaissant les annulatifs de l'islam, tu distingues le bien du mal. Tu distingues le bien du mal. Il ne suffit pas de connaître les annulatifs de l'islam. Je connais les annulatifs de l'islam. Oui, et tu les cites. Non. Comme a dit le sha'ir, عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر. Donc ici, quand on apprend ces nawaqid, ces annulatifs, comme il a dit le sha'ir, j'ai connu le mal, non pas parce que c'est un mal, mais pour m'en préserver. Et celui parmi les gens qui ne connaît pas le bien du mal, peut très bien y succomber. Il peut très bien y tomber. Donc si tu ne connais pas le mal, et le plus grand mal c'est le shirk, tu peux très bien tomber dans le shirk. وقد قال في مثل هذا الموطن ابن القيم رحمة الله عليه أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذلك في الإمكان. Tu dis aimer le prophète عليه الصلاة والسلام et tu t'allies hein, à ses ennemis, c'est pas un amour. C'est pas un vrai amour. وقال بعضهم ايضا تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب للمحب مطيع. Donc tu dis aimer une personne et tu vas à l'encontre de cette personne et tu t'allies à ses ennemis, c'est impossible. C'est impossible. C'est deux choses qui peuvent pas. C'est comme si l'eau, comme l'eau ne se mélange pas avec le feu, tu ne peux pas rassembler l'amour du prophète alayhi salatu wasalam, tu ne peux pas rassembler l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'amour et avec l'alliance des mécréants. C'est impossible. C'est impossible. Et comme les Yahoud disaient, ils ont dit au prophète alayhi salatu wasalam, إِنَّنَا نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. On témoigne comme quoi tu es le prophète d'Allah. Le prophète alayhi salatu wasalam, il savait que leur témoignage ne voulait pas dire qu'ils allaient se soumettre aux ordres d'Allah et suivre le prophète alayhi salatu wasalam. C'est pour ça qu'il leur a dit وَمَا يَمْنَعُكُمْ بِالتِّبَاعِ. Et qu'est-ce qui vous empêche de me suivre? C'est pour ça qu'il disait, oui, tu es un prophète, mais tu n'es pas notre prophète. وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الْعِمْرَانِ. Oh les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, ils vous rendront mécréants après que vous ayez la foi. وقال سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يا الله سبحانه وتعالى الذي في سورة النساء. Ceux qui prennent pour alliés les mécréants au lieu des croyants, بشر المنافقين, lance-leur la nouvelle. Comme quoi ils auront un terrible châtiment. Qui sont, ya Allah, ceux qui prennent pour allier les mécréants au lieu des croyants. Est-ce qu'ils cherchent auprès d'eux la gloire, l'izza, la fierté? Allah subhanahu wa ta'ala répond, il dit, Inna l'izzata lillahi jami'a. La gloire appartient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, fi surat al-ma'idah, versets 80 et 81. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. مجد بيان الفرسي يا عبد الله وقال الله سبحانه وتعالى يجي tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants comme les mauvais certes ce que leur âme ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont connu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans le supplice qu'ils éternissent. Et s'ils croyaient en Allah et à ceux qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont des pervers. Tu vois parmi eux beaucoup s'allier aux kuffar. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. An sakhita Allahu alayhim. Ensuite, وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ. Si ils croyaient en Allah et en son prophète et en ce que Allah a fait descendre, ils ne les auraient pas pris comme alliés. وقال سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ إلى أن قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Donc dans ce verset, Allah سبحانه وتعالى interdit aux croyants de prendre comme alliés les juifs et les chrétiens. Il dit, oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Et tu verras d'ailleurs que ceux qui ont une maladie dans le cœur se précipiter vers eux, ils disent, nous craignons qu'un revers nous attrape et nous frappe. Mais peut-être que Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui, alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il ramènera une victoire bi idnillah. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال سبحانه que les croyants ne prennent pas pour alliés les kuffars, les mécréants, au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez auprès d'eux à vous protéger. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Et c'est Allah le retour. وقال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ففي هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم وقومه أنهم تبرأوا من الكفار ومن أعمالهم حتى يؤمنوا بالله وحده. Donc certes dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit certes vous avez un bel exemple dans le suivi de Ibrahim et de ceux qui étaient avec lui quand ils ont dit à leur peuple on se désavoue de vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous renions entre vous et nous l'hostilité, al-adawa, l'hostilité et la haine sont à jamais déclarés jusqu'à que vous croyez en Allah seul. Donc regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait, on méditait ce verset, il a dit qad bada. Il y a le commencement entre vous et nous, hein, l'hostilité et la haine, jusqu'à que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, Ibrahim et son peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on se désavoue de vous. Il a mis en avant d'abord les kuffars avant de parler de leur ma'boudat et de ce qu'ils adorent. Il a dit, on se désavoue de vous d'abord et de ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en deuxième. Donc nous, on se désavoue des kuffars d'abord. Ensuite, on se désavoue de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne trouveras pas, ya Abdallah, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Qu'ils soient leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Et ce verset, il a été descendu sur des sahaba qui ont tué leur propre famille. Abu Ubaid ibn Jarrah, il courait derrière son père pour le tuer. Hamza radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, ils ont tué leur tribu. Des frères, un frère il a essayé de tuer son frère. Ikhwanuhum. Donc la religion elle sépare le croyant du mushrik, al furqan. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a prescrit la foi dans les cœurs de ces derniers et il les a aidés de son secours. Et il les fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il a akhir l'aïe. Donc regardez. Tu ne trouveras pas des gens. La tajidu qawman yu'minuna billahi wa liyawmil akhir wa yaduna man hadallah. Tu ne trouveras pas des gens qui s'allient, qui aiment ceux qui font la guerre à Allah et à son messager. Et Abdallah, tu ne peux pas trouver des gens comme ça. Donc, manhum a'da'ullah. Qui sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il répond dans le Coran. لأن القرآن يفسر القرآن. القرآن يفسر بالقرآن. Donc on explique l'exégèse du Coran se fait avec le Coran tout d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Le verset est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ma'ida, verset 82, il dit tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Ya Abdallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu » Je trouve les pires ennemis pour les croyants, c'est qui? Il y a Allah, Allah te dit les Yahoud, les Juifs. « Walladina ashraku » et les associateurs. « Na'am, ha'oula hum a'da'u al-muslimin wa hum a'da'u Allah subhanahu wa ta'ala. » هؤلاء الذين يجب أن يعاديهم المؤمن يجب على المؤمن أن يعاديهم قال سبحانه وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي dans le verset ici ils croyaient en Allah et en son prophète et ce que Allah عز وجل a fait révéler ils ne les prendraient pas comme alliés donc ça veut dire que s'ils les prennent comme alliés ils ne croient pas en Allah donc les choses on reconnaît les choses par le contraire comme elle le dit la règle. Donc, s'ils croyaient en Allah et son prophète et ce qu'il a fait révéler, Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne les prendraient pas comme, ils ne prendraient pas ces mécréants comme pour allier. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa aktaruhum fasiqin. La yumkin abadan. Je le dis, il est impossible, impossible. La yumkin abadan an tajida mu'minan yu'min billah wa huwa Sadiqun li al-Yahoud wal-Nasara. Tu ne peux pas trouver un croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, en son messager, au livre, et il est ami avec les. Et il est ami avec les koufars. C'est impossible. وقال subhanahu wa ta'ala, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ils ne seront jamais satisfaits de toi, les juifs, ni les chrétiens, jusqu'à que tu suives leur pas. Jusqu'à que tu suives leur pas. وقال شيخ أحمد بن عتيق رحمه الله قال وقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضا بما هم عليه كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير إكراه فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين سبحان الله يعني أحمد بن عتيق Dans son livre « Al-Difa' an Ahli Sunnah », il dit « وَقَدْ تَقَدَّمَا » Et on a vu précédemment que l'alliance aux mécréants est montrer le chemin, leur montrer le chemin pour faire la guerre aux musulmans et les défendre avec la langue et accepter sur quoi ils sont. Tout cela, il a dit tout cela, « كُلُّ هَذِهِ مُكَفِّرَتْ » Tout cela, tous ces actes-là rendent vaine l'action de celui qui le fait. Sauf celui qui contraint. Illa man ukriha. Et donc celui qui fait ça, il dit il est apostat. Wa in kana ma'a dhalika yubghidu al-kuffar wa yuhibbu al-muslimin. Mais même si il déteste les mécréants et il aime les musulmans. Wa qala Hamoud ibn Uqala Shu'aybi rahimahullah أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل من ملة الإسلام. Ensuite, Hamoud ibn Uqala Shu'aybi, rahimahullah, il dit, le fait de s'allier aux kuffars, aux mécréants, contre les musulmans, et les aider, فَهُوَ كَافِرٍ, il dit, celui-là, il est mécréant, et il sort de دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ, il sort de l'islam. وَقَالَ الشَّيْخ بِشْرِ بْنُ فَهْدْ الْبِشْرِ فَكَّ اللَّهُ أَسْرَهُ وَمِمَّا سَبَقْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ التَّعَاوُنْ مَعَ الْأَمْرِيكَانِ في العدوان على أفغانستان وهذه فتوى قديمة سواء كان بالرجال أو بالمال أو بالسلاح أو بالرأي فهو من قبيل مظاهرة الكفار المسلمين وهو كفر ورد عن الإسلام الشيخ بشر بن فهد البشر il a dit et on a vu précédemment que le fait de s'allier aux Américains et les aider avec l'ennemi américain pour combattre les Afghans en Afghanistan que ce soit avec des hommes, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec des armes, que ce soit avec une pensée. فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ مُضَارَةِ الْكُفَّارِ Donc c'est quelque chose qui fortifie les mécréants contre les musulmans. Et c'est une mécréance claire et une apostasie qui fait sortir de l'islam. وَهَذَا الْحُكُمْ يَشْمُوا الْأَفْرَادُ وَجَمَعَاتِ Et ce jugement, il concerne les individus seuls ou les groupes. وقال أحمد شاكر رحمه الله في كلمة حق dans son livre كلمة حق ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون وإن التعاون معهم أي يعني parler des français حكمه حكم التعاون مع الإنجليز، الردة والخروج من الإسلام بجملة. إيه أحمد شاكر رحمه الله المحدث يجي il n'est pas autorisé à un musulman dans n'importe quel endroit sur terre de s'allier et d'aider les mécréants avec n'importe quel moyen d'aide. فحكمه حكم الفرنسيين. Il dit son jugement est le jugement de ces mécréants. Et il a dit والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. فالمعاونة بمعنى واحد وهي مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. Donc c'est المظاهرة c'est-à-dire l'alliance à un seul sens. هي النصرة comme il a dit Cheikh Ibn Ibn Taymiyyah رحمة الله عليه. Comme il a dit يعني الأصل في الموالاة هي القرب القرب والبغض عفوا الأصل يجي الأصل في الموالاة هو القرب والحب يعني la base dans l'alliance c'est le rapprochement c'est-à-dire le rapprochement vers les croyants les mu'minin et l'amour d'accord et il dit al-asl la base dans le désaveu c'est quoi c'est l'éloignement al-bu'd c'est l'éloignement ou al-bu'd et le fait de détester et le fait de détester. وقال ابن القيم رحمة الله عليه في أحكام أهل الذمة قد حكم الله ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. Donc il dit si ils font partie d'eux, il dit si celui qui aide les kuffars, les yahoud et les chrétiens, il fait partie d'eux et il a le jugement de ces chrétiens-là. Donc il a le jugement de ces chrétiens-là. Il est kafir. ولله ضر العلامة سليمان بن سمحان حيث قال فعاد الذي عاد لدين محمد ووالي الذي والاه من كل مهتدي وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد وما الدين إلا الحب والبغض والولى كذلك البرى من كل غاو ومعتدي. سبحان الله دي باغول النخ أين هو الولاء والبراء اللي هو العقيدة دي ولاء دي براء الاليانسي دي ديزافو اللي هو ست عقيدة on l'a plus صحيح سبحان الله اليهود والنصارى sont devenus les frères des musulmans أعداء الله sont devenus des frères et des amis حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أين هي ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه c'est celui qui se détourne de ملة إبراهيم c'est celui qui vaut rien c'est celui qui s'est foutu de lui-même السفي c'est celui qui a pas de cerveau ولا تؤتوا السفهاء أموالكم كما الله سبحانه وتعالى يلاجي وقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ne prenez pas de confident d'aide لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر إيه سبحان الله ميديتي سيفيرسي قد بينا قد بالتأكيد قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أو les croyants ne prenez pas de confident en dehors de vous-même. Ne prenez pas de confident. سبحان الله غادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه il avait un scribe il a vu أبو موسى الأشعري عفوا عمر بن الخطاب il a vu موسى أبو موسى الأشعري il a pris un scribe qui était chrétien il s'est mis en colère il lui a dit t'as pas trouvé un musulman pour écrire t'as trouvé que ce chrétien سبحان الله il s'est énervé il a dit oh Allah je ne les ferai pas élever alors que Allah il les a rabaissés et je ne vais pas les honorer alors que Allah il les a humiliés subhanallah ne prenez pas de confident en dehors de vous même et ils ne failliront de vous bouleverser ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté, la haine, regardez, Allah, à la haine, certes, elle s'est manifestée de leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Ce que leur poitrine cache, voilà, c'est plus énorme. On entend, hein, on entend ces gens-là dénigrer notre prophète, alayhi sallam, parler, insulter. Wallah, Allah Azza wa Jal, il dit, ce que leur poitrine cache est encore pire. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Voilà que nous avons exposé nos signes. Voilà des signes que Allah Azza wa Jal a exposés. Si vous raisonnez, si tu raisonnes, ya Abdallah, tu vois que tu n'es pas aimé. Tu vois, dans un établissement, tu n'es pas aimé. Tu n'es pas aimé. Mais subhanallah, la haine a commencé, hein, elle s'est manifestée de leur bouche, mais wallah, ce qu'ils cachent au fond d'eux, c'est pire. C'est pire. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, oh vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Le refrain quoi? L'amitié. Le refrain, l'amitié. Tu les prends pour amis. Et ici, Allah Azza wa Jalla a dit, adoui wa adouakum. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne prenez pas pour allié mon ennemi. C'est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le vôtre. En leur offrant quoi? L'amitié. Donc, au travers les versets, au travers les dires des savants, al-sunnah, les grands savants, vous voyez que le fait de prendre comme allié les koufars, les mécréants, c'est un acte qui fait sortir de l'islam. C'est un annulatif de l'islam. Hadihi nawaqidul islam. Les gens parlent que du shirk al-akbar, oui. Ibadat al-qubur, les sirat abirayrillah, dhabh l'irayrillah. Mais ils ne parlent pas de cet annulatif. C'est un annulatif. Celui qui prend, hein, comme ils le font les gouverneurs, ils prennent les koufars comme alliés. Et les morgéas, ils sont en train de dire, oui, wali al-amr, wali al-khamr. Il est tombé dans plusieurs annulatifs. Et en plus de ça, tu dis, wali al-amr. Pourquoi? Parce qu'il fait la prière. Allah al-musta'an. Wa nakhtim hada ad-dars bikalam al-imam al-mujahid rahimahullah Abdullah ibn al-Mubarak, quand il a dit, et c'est des paroles en or que je fais partager, comme ça a été rapporté dans le livre de Al-Qurtubi dans son tafsir, Al-Bida' wa an-Nahy anha, c'est le livre de Al-Qurtubi, c'est pas dans son livre, Al-Bida' wa an-Nahy anha, il a dit, i'lam akhi, i'lam akhi, an al-mawt al-yawm karamatun li kulli muslim, laqiya Allah ala as-sunnah, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء والسنة وظهور البدع. Donc il a dit, sache mon frère que la mort aujourd'hui, c'est pour un musulman qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en étant sur la sunna, est une grande faveur, est un grand mérite. La mort aujourd'hui, pour un musulman qui rencontre Allah en étant sur la sunna, en étant maintenu, hein, sur la sunna, est une grande faveur. On appartient qu'à Allah et c'est vers lui que nous retournons. C'est envers Allah Azza wa Jal que on se plaint de notre solitude. Et l'absence des frères et le manque d'aide au zuhur al-bida' et l'apparition des innovations. Et c'est Allah Azza wa Jal qu'on se plaint de ce que la Umma endure avec la mort des grands savants, avec la mort des grands savants, ou al-sunna wa zuhur al-bida' et l'apparition des innovations. Et il y a le hadith du prophète alayhi sallam qui dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud ou Ibn Majah, fil fitan, en parlant des troubles. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith sahih, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Inna bayna aydikum fitanan ka qita'i al-layl al-mudlim. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wa al-qa'imu fiha khairun min as-sa'i. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام كونوا أحلاس بيوتكم كونوا أحلاس بيوتكم خفت عليه الصلاة والسلام يجي il y a devant vous des troubles comme la nuit la personne elle se lève le matin elle est croyante arrivée au soir elle devient mécréante et elle dort le soir en étant croyante elle se lève le matin elle est mécréante celui qui est assis durant cette période là durant cette période de troubles celui qui est assis est meilleur que celui qui est debout. Et celui qui est debout est meilleur que celui qui marche durant ces troubles. Ils ont dit, Sahaba, mais c'est quoi le conseil que tu peux nous transmettre, Ya Rasulallah? Le prophète, alayhi sallam, il a dit, pour nous, ahlasa buyutakum. Et soyez tels les tapis que vous avez chez vous. Et soyez chez vous. Et le tapis ne bouge pas. Il est chez lui. Et subhanallah, la personne, comme il a dit, Imam Ahmed, quand on lui a posé la question, il aura dit Wallah, masijnu wa bayti illa wahid. Il aura dit la prison et chez moi ne font qu'un pour moi. C'est la même chose. Qu'ils mettent en prison, qu'ils mettent chez moi, c'est la même chose. Allah Azza wa Jal an yahdiyana wa an yufarrija anna wa an yarfa'a rayat la ilaha illallah wa an yansura كل من جاهد لرفع كلمة لا إله إلا الله وأن ينصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته